Chapitre 24e. Constantin Ladov, bouillant d'une noble colère, se dirigeait vers la caserne du régiment de Batourov. Mais il se rappela fort à propos que tout le monde était probablement à table et lui-même se dirigea vers le restaurant du Vauxhall. « Que faut-il servir à monsieur ?» fit le garçon empressé car il n'y avait guère de consommateur. « Ce que vous aurez de bon, » répondit Ladov distrait. On lui servit un dîner excellent et très copieux, qu'il mangea par distraction. Sa distraction devait être bien forte, car, en lisant l'addition, il fit un soubresaut. « Comment, j'ai mangé tout cela ? » dit-il au garçon ébahi. « Mais oui, monsieur, rappelez-vous, le canton au petit pois, le... »« Oui, oui, » murmura Ladov. « Je pense à autre chose, en effet. » Il paya et sortit, stupéfait de voir qu'on peut manger prodigieusement au moment où les sentiments les plus contradictoires luttent dans le cœur. Après avoir pris une tasse de café et fumé un cigare, Ladov se rendit à la caserne. Batourov venait précisément de rentrer et changeait de toilette pour la soirée. Constantin se rendit à sa chambre. « Tiens, bonjour !» s'écria le jeune officier en voyant entrer son ex-ami. « C'est gentil à toi de venir me voir. »« Je ne viens pas te voir, » répondit Ladov, que cet accueil cordial mettait mal à l'aise. « C'est-à-dire, si tu n'es pas venu me voir, » dit-il, « admettons que je rêve. Prends un cigare pendant que j'achève ma toilette, tu permets ?»« Il y en a d'excellents dans la boîte en dessous. » Pas celles de dessus, ceux-là sont pour les intrus, mais toi, tu es un ami, un vrai. Prends-en un bien sec, ceux de dessus sont humides. » Machinalement, Constantin étendait la main vers la table. Mais il se souvint qu'il n'était pas venu pour fumer les cigares de Batourov, et rentra dans son rôle. « Je désirerais avoir une explication avec toi, » dit-il d'un ton sévère. « Une explication ? 10 explications, mon cher, autant d'explications que tu voudras. Tiens, passe-moi donc la brosse qu'elle a sous ta main gauche. » « Mon animal de brosseur n'a qu'une idée bien vague de ses devoirs. » Constantin prit la brosse et l'attendit à son ex-ami, qui se mit à brosser son uniforme avec énergie. « Eh bien, que veux-tu que je t'explique ? » dit-il tout en travaillant ferme. « Ta conduite n'est pas convenable et je suis venu t'en demander raison. » Constantin termina cette phrase par un ouf intérieur. Il ne s'était pas imaginé qu'il fût si difficile de provoquer un jeune fat. « Hein ?» fit Batourov qui resta la brosse en l'air, l'uniforme suspendu à sa main gauche, les yeux écarquillés, la bouche ouverte, tel enfin que si Ladov l'avait regardé, il aurait probablement éclaté de rire, mais il regardait ailleurs, dans le vide. « Tu as bien entendu, » reprit le champion de la princesse Olga, « je viens te demander raison de ta conduite. »« Quelle conduite, quelle raison, ma parole d'honneur, tu as perdu l'esprit, Ladov. » Les bras de Batourov retombèrent, et son uniforme aussi. Ce que voyant, il le ramassa, l'endossa, et vint s'asseoir en face de Constantin d'un air fort grave. « Tu viens me provoquer en duel ? Et pourquoi, s'il vous plaît ? Ai-je marché sur la patte de ton chien ? Cravaché ton cheval ou... Trêve de plaisanterie ? » fit Ladov, d'un ton irrité. « Tu persistes lâchement ? Eh ! » fit le jeune officier en se levant. « Lâchement ! » répéta Ladov, insulté par tes railleries une jeune fille digne de tous les respects. « Cette conduite est indigne d'un galant homme. »« J'insulte une jeune fille, moi, » dit Batourov en se frottant les yeux. « Mais je rêve. Je rêve ou tu es fou, Ladov. Je n'ai jamais insulté de jeune fille. Il est inutile de nier. »« Vous ne faites qu'aggraver vos torts, » répéta Constantin, entré non sans peine dans son rôle de provocateur. « Je désire épouser la jeune fille à laquelle vous manquez journellement de respect. »« Mais nomme-la, ta jeune fille. Du diable, si j'ai manqué de respect à quelqu'un. Du moins... » à quelqu'un que tu veuilles épouser, car je ne suis pas toujours très respectueux, j'en conviens. Mais ce n'est pas dans un monde où tu aurais cherché une fiancée. Cessez de railler. La jeune fille qui m'envoie, elle t'envoie à présent. Eh bien, c'est complet. Puis-je au moins savoir son nom ? Toute feinte est inutile, répliqua Constantin d'un ton ferme. Quand pourrais-je vous envoyer mes témoins ? Batourov regarda son ami, fit un geste d'humeur et s'assit à son bureau. « Tout de suite, si tu veux, » dit-il d'un ton bourru. « S'il faut que je me batte avec un fou, j'aime autant en avoir fini le plus tôt possible. » Ladov se leva, salua gravement son ami et sortit d'un pas compassé. Il eut quelque peine à trouver des témoins. Non que la chose en soi fût difficile, mais tout le monde était à la musique ou à la promenade, et il finit par se résigner à aller chercher ceux qui pouvaient le servir là où il y avait quelque chance de les rencontrer. C'est au Vauxhall, entre une valse de Strauss et l'ouverture du barbier, qu'il racola son premier témoin. Il put se procurer le second une demi-heure plus tard, pendant l'exécution du pot-pourri fort en vogue alors et qu'on appelait le Tour de l'Europe. La France y était peu fastueusement représentée par Malbrouck sans battre en guerre, et c'est sur cet accompagnement belliqueux que Ladoff expliqua sa querelle, un jeune sous-lieutenant frais et moulu des corps des portes enseignes. Les témoins se rendirent chez Batourov, qui fumait avec rage. Au premier mot, dès que le nom de Ladoff fut prononcé, « L'imbécile, il m'a fait perdre une soirée, » s'écria Batourov. « Une soirée superbe, j'avais rendez-vous. » Il se mordit les lèvres et se mit plus posément aux ordres des deux jeunes gens. Il n'avait pas encore de témoins, mais l'heure s'avançant, il tomba dans la caserne des amis disposés à le seconder. Le lieu fut choisi. C'était le fossé du Fortin qui défend les derrières de Pavlovsk. L'arme était le pistolet, 25 pas de distance, et le moment, 4 heures du matin, car dès 5 heures, il aurait fait trop clair. Là-dessus, on se sépara, et les deux belligérants passèrent chacun de son côté une nuit détestable.